Toutes les nuits, je ne dors plus, je dors les yeux ouverts. Je ne pense même plus à toi, toutes les nuits. Sur la table de chevet, on sait jamais.